بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, cette dernière journée du séminaire. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la récompense pour des efforts qui ont été fournis et de nous accorder la réussite pour la suite du séminaire, inshallah ta'ala, afin qu'on puisse en profiter correctement. Alors, on est arrivé à la page 23. Oui, c'est bien ça, la page 23. L'auteur, rahimahullah, qui dit « Et qu'Allah, pureté à lui, a créé le paradis et en a fait une demeure d'éternité pour ses alliés. » Le paradis est une demeure d'éternité pour les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens du paradis resteront au paradis éternellement. Et donc les gens de la sunna, ils croient que Allah tabaraka wa ta'ala a créé le paradis, et donc que le paradis existe déjà. Il existe actuellement. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit donc dans surat Ali Imran, la troisième surat, le verset 133. Il dit « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » Accourez à un pardon de votre Seigneur et un paradis large et un paradis qui est large comme les cieux et la terre, qui a été préparé, qui a été préparé pour les pieux. Et donc le paradis existe déjà. Et aussi, les gens de la sunna, ils croient que Allah tabaraka wa ta'ala a aussi créé le feu. Et donc que le feu, l'enfer, existe actuellement. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Fattakun nar allati waqooduha al-nas wal-hijara u'iddat lil-kafirin » Donc la deuxième sourate, Al-Baqara, le verset 24. Et craignez le feu dont le combustible sont les hommes et les pierres, ce feu qui a été préparé pour les incroyants. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Amr, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna ahadakum idha met » عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. Chacun d'entre vous, lorsqu'il mourra, alors sa place lui sera montrée matin et soir. Sa place lui sera montrée. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. S'il fait partie des gens du paradis, alors on lui montrera sa place parmi les gens du paradis. Et s'il fait partie des gens du feu, alors on lui montrera sa place parmi les gens du feu. Et on lui dira, ceci est ta place, jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite au jour de la résurrection. Donc ça, dans ce hadith est dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim. Donc je rappelle le plus haut degré d'authenticité. Donc le paradis et l'enfer existent actuellement. Ceci est la croyance des gens de la Sunna. Ceux qui se sont opposés à cela, on a donc Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila qui voient que le paradis et l'enfer n'existent pas encore. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, au début de son livre, dans le Baqara, il nous cite un élément important. Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fi. Ceci est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin, une guidée pour les pieux. Alladhina yu'minu yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en l'invisible. Parmi la particularité des croyants, il y a le fait qu'ils croient en ce qu'ils ne voient pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit que c'est comme ça, on y croit. On ne le voit pas, mais on y croit. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit que dans les tombes, ça se passe comme ça, on ne le voit pas, mais on y croit. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on ne soit pas comme ceux qui croient seulement en ce qu'ils voient. Seulement en ce qu'ils voient. Et vous savez en plus de ça que la vue de l'être humain est limitée. Et qu'il y a parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, ici-bas, des créatures qui voient ce que nous, on ne voit pas. Et donc ce sujet est important, barakallahu fikoum. Ensuite, l'auteur, il a parlé d'un sujet important, le sujet de l'éternité. Donc là, on a vu premièrement que le paradis et l'enfer existent déjà. Maintenant, deuxième sujet, le sujet de l'éternité. Et donc les gens de la Sunna, ils croient fermement que les gens du paradis resteront. Donc ils croient, avant d'aborder le sujet déjà, le fait de rester dans l'éternité, au paradis, parmi les sujets de la croyance des gens de la Sunna, il y a le fait que le paradis va exister éternellement. Le paradis et l'enfer, les deux sont voués à l'éternité. Et donc, la tafnayen. Les deux, le paradis et l'enfer, ne vont pas disparaître. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Dans beaucoup de passages, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle des gens du paradis, lorsqu'il parle des gens du feu, il dit « Khalidina fiha abada ». Donc ils y demeureront éternellement. Éternellement. Paradis et enfer. Il a été aussi rapporté de manière authentique, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iza dakhala ahlul jannati al jannata » وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولا موت فيه. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens du paradis seront rentrés au paradis et lorsque les gens de l'enfer seront rentrés en enfer, alors un appeleur appellera en disant « Ô gens du paradis, ceci est l'éternité, il n'y a pas de mort dans le paradis. Ô gens du feu, ceci est l'éternité, il n'y a pas de mort dans l'enfer. » Et donc il y a beaucoup, beaucoup de preuves qui montrent que le paradis et l'enfer ne vont pas disparaître. Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Ma'ida, le verset numéro 37, il dit « Yuriduna an yakhruju minha » donc concernant les gens du feu, ils voudront en sortir, ils voudront sortir du feu. « Wa ma hum bi khalidina minha » mais ils ne sortiront pas. Ils n'en sortiront pas. « Wa lahum adhabun muqim » et ils auront un châtiment qui perdurera. Et ils n'en sortiront pas. Même chose dans Surat al-Baqarah, le verset numéro 167. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Et ils ne sortiront pas du feu. Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ils ont dit que le paradis et l'enfer disparaîtront. Donc les gens du paradis rentreront au paradis, les gens de l'enfer rentreront en enfer, et ensuite les deux vont disparaître. Les deux vont disparaître. Et donc ensuite qu'il n'y aura plus personne. Puisque les animaux auront été rendus poussière avant cela, Ensuite, les gens du paradis, donc le paradis va disparaître avec ses habitants et l'enfer va disparaître avec ses habitants. Non. Justement, j'ai marqué dans les notes, voilà dalil ala hum ala fidelik. Il n'y a pas de preuve, ils n'ont pas de preuve pour cela. Et donc, il n'y a pas de preuve qui montre cela. Donc, ça, c'est la parole de Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Attention, ici, on parle de la disparition des deux. La disparition du paradis et de l'enfer. Ensuite, on a un autre sujet. La disparition de l'enfer, seul. C'est-à-dire que les gens du paradis entrent au paradis, les gens de l'enfer entrent en enfer, et ensuite l'enfer disparaît. C'est-à-dire qu'ils auront un châtiment, mais qu'ensuite le châtiment va s'estomper, puisqu'ils vont tous disparaître. Ça, c'est un avis de certains parmi les gens de la Sunna. Cet avis a été attribué à Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, notamment. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Et il y a eu beaucoup de répliques, on va dire, qui ont été écrites sur ce sujet. Beaucoup de livres ont été écrits sur ce sujet. Et en réalité, après vérification, il n'y a aucune preuve qui montre que l'enfer va disparaître. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ainsi qu'Ibn al-Qayyim, dans les écrits où ils abordent le sujet, où ils abordent l'avis de ceux qui disent que l'enfer va disparaître, ils citent donc les arguments. Ils citent donc les arguments. Et les arguments, ce sont des textes qui montrent jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des textes, des paroles attribuées aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais rien de tout cela n'est authentique. Strictement rien. Aucune chaîne de transmission authentique. Aucune. Aucune. Et donc, au final, il n'y a aucune preuve qui montre que l'enfer est mené à disparaître. Spécifiquement, que cela s'oppose clairement aux autres textes qui montrent que les habitants de l'enfer resteront éternellement dans l'enfer. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, cette parole, donc le fait que l'enfer sera mené à disparaître, cette parole n'a pas existé dans les premières générations de l'islam. Elle n'a pas existé, cette parole. Et donc, à partir du moment où aujourd'hui, là, on est en train de parler d'un sujet, comme on dit, de l'invisible. Et donc, quand tu vas parler de l'invisible, il te faut absolument des preuves. Un sunna. La parole qui dit que l'enfer va disparaître n'a pas existé dans les premières générations de l'islam. Il y a deux sujets dont j'aimerais beaucoup qu'on fasse la distinction entre les deux. Il y a le sujet, et c'est pour ça que j'ai précisé. J'ai dit, avant de parler du fait que les gens resteront dans l'éternité, on va déjà parler du fait que le paradis et l'enfer restent, demeureront, ne vont pas disparaître. Ça, c'est un sujet. Et donc, on a vu la vie de Ahl Sunnah, la vie qui est connue de Ahl Sunnah, le paradis et l'enfer demeureront éternellement. Ça, c'est la vie d'Ahl Sunnah. La vie des gens de l'innovation, le paradis et l'enfer vont disparaître, les deux. Et ensuite, la vie qui est connue, qui a été connue donc de Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, que l'enfer va disparaître. Et subhanallah, c'est en lisant ces écrits-là et en lisant les réfutations qui ont été faites, surtout les preuves qu'ils ont avancées, les chaînes de transmission, subhanallah, tu te rends compte qu'il y a toujours quelque chose pour te montrer qu'un être humain est un être humain. Parce que quand tu lis les écrits d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, tu vois les preuves qu'ils amènent dans des sujets, tu te dis Subhanallah, des miracles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont une force dans l'argumentation qui est impressionnante. Et lorsque j'ai lu ce sujet, j'ai dit Subhanallah, Alhamdulillah, celui qui nous montre toujours que l'être humain est un être humain. Et donc concernant ce sujet, donc cet avis, donc on voit ici maintenant l'avis d'Ibn al-Qayyim, et c'est surtout beaucoup Ibn al-Qayyim qui a défendu cela, le fait donc que l'enfer va disparaître. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune chaîne de transmission authentique qui montre que l'enfer va disparaître. Il n'y en a pas. Mais le troisième sujet dont je voulais parler, dont on n'a pas encore parlé, ça c'est un sujet qui est arrivé récemment. C'est un sujet qui est arrivé dans nos générations là. C'est un sujet que tu ne vas pas trouver dans l'état faciès. Tu ne vas pas trouver dans les premières générations. Tu ne vas pas trouver dans tout de suite après les premières générations. C'est un sujet que tu vas trouver là, à notre époque. C'est des gens, ils sont venus avec une parole, là, elle n'a jamais existé. Et aujourd'hui, elle arrive comme ça, elle sort, elle se propage. C'est quoi cette parole? Les gens de l'enfer, les non-musulmans, ils vont entrer en enfer. Et après être entrés en enfer, ils vont sortir de l'enfer pour entrer au paradis. Mouchrik Billah, toute sa vie, il rentre en enfer après cela, et ensuite il va aller au paradis avec les gens du paradis, avec les monothéistes. Concernant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, madamat as-samawat wal-ard illa ma sha'a Allah. Et donc les gens, ils resteront dans le feu tant que les cieux et la terre perdureront. Donc c'est-à-dire tant que les cieux du paradis et que la terre du paradis perdureront. Illa ma sha'a Allah, ils resteront en enfer. Sauf la période qu'Allah aura déterminée. Ici, barakallahu fikum, vous allez chercher dans l'état facile. L'état facile, alhamdoulilah, ils sont présents. Ils sont présents, l'état facile. Vous allez voir qu'il y a une divergence concernant cette exception. Qu'est-ce qui est voulu par cette exception? Il y a plusieurs avis. Il n'y a aucun avis qui dit qu'ils vont sortir de l'enfer et qu'ils vont rentrer au paradis. Mouchrik, Pharaon, il va aller au paradis? Les frères, Pharaon, il va aller au paradis? Taïb, juste concernant cette exception. Alors, barakallahu fikum, parmi les avis, c'est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit que ces gens-là resteront dans le feu éternellement. Parce qu'il a cité éternellement avant cela. Sauf la période qu'Allah aura déterminée. Ils disent, et Allah a déterminé qu'ils resteront éternellement. Mais ça, c'est pour montrer, c'est pour appuyer le fait qu'ils y resteront, ils ne vont pas sortir du feu. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous dit, concernant les gens, les polythéistes, qu'ils ne rentreront pas au paradis. Qu'est-ce qu'il dit? La tufattahu lahum abwaab as-samaa'i wa la yadkhuluna al-janna. Les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour eux. Et ils ne rentreront pas au paradis. Hatta yalidya al-jamal fi sammi al-khiyat. Jusqu'à ce que le chameau rentre dans le chat de l'aiguille. Et donc, pour ça, est-ce qu'on dit oui, non, ils vont forcément rentrer parce qu'au bout d'un moment, le chameau va rentrer dans le chat de l'aiguille? Non, Allah, il nous montre. Ici, ça ne va pas arriver. Parce qu'il a déjà déterminé, ils ne vont pas rentrer. Là, c'est la même chose, la même méthode qui va être utilisée pour nous montrer qu'ils ne vont pas en sortir. Barakallahu fikum les frères, il n'y a aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que les polythéistes sortiront du paradis, sortiront de l'enfer. Aucun. Aucun texte qui dit qu'ils sortiront de l'enfer. Donc on a parlé tout à l'heure, et j'insiste, le sujet, le fait que le paradis et l'enfer restent éternellement. Ensuite le sujet, le fait que le paradis et l'enfer disparaissent. Le sujet, le fait que seul l'enfer disparaît. Et maintenant, on a un autre sujet, le fait que les polythéistes sortent de l'enfer pour entrer au paradis. Ça, il n'y a aucune preuve. Celui qui me dit qu'un polythéiste rentre au paradis, je lui demande, s'il te plaît, donne-moi ta preuve. Donne-moi une preuve, juste une, je ne demande pas cinq, juste une. Alors, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, page 24. Normalement, on avait trois pages à lire aujourd'hui. Et que dans celle-ci, donc dans le paradis, dans cette demeure, il leur a accordé le fait de pouvoir regarder son noble visage. Et donc il y a dans la croyance des gens de la Sunna et du groupe le fait que les croyants verront leur Seigneur au paradis. Dans Sahih Muslim, selon Suhaib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ida dakhala ahlul jannati l'jannata yakulullahu tabaraka wa ta'ala » Lorsque les gens du paradis seront rentrés au paradis, Allah Ta'ala dira, est-ce que vous voulez quelque chose que je vous rajoute? Ils diront, Alam tubayyid wujuhana, n'as-tu pas illuminé nos visages? Alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina min an-nar. Ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis et nous a sauvés de l'enfer? Et donc c'est-à-dire que Allah leur propose une récompense en plus. Et c'est comme s'ils disent, nous en avons beaucoup déjà. Tu nous as sauvés du feu, tu nous as accordé le paradis. Alors là, yukshaful hijab, le voile sera donc abaissé. Le voile sera enlevé. Alors, on ne leur donnera pas une récompense qu'ils aiment plus que le fait de regarder leur Seigneur Azza wa Jal. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah, Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Il y aura pour ceux qui ont été bienfaisants, al-husna, le paradis, ainsi qu'un rajout à cela. Le rajout à cela, plus que cela, c'est le fait de pouvoir voir leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Alors Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit « Wujuhun yawma idhin nadira » Les visages seront en ce jour-là, les visages seront donc illuminés. « Ila rabbiha nadira » Ils regarderont leur Seigneur. Donc, dans Sourate 75, le verset 22 et 23, Al-Qiyama. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que les croyants, ils verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Ceux qui ont rejeté cela, c'est Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ils disent que les croyants ne verront pas leur Seigneur dans l'au-delà. Leur preuve, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. Lorsque Moussa est venu à notre rencontre et que son Seigneur lui a parlé, il a dit, ô Seigneur, permets-moi de te voir. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Sourate Al-A'raf. Donc c'est la sourate numéro 7, le verset 143. Verset 143. La 7, Al-A'raf. Et donc tout simplement, Barakallahu fikoum, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit à Moussa, l'antarani, tu ne me verras pas, c'est-à-dire ici-bas. Moussa, il a demandé à voir son Seigneur ici-bas. Alors son Seigneur, il lui a dit, tu ne me verras pas ici-bas, tu n'as pas la capacité de me voir. Et donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Barakallahu fikoum. Ensuite, parmi leurs arguments, il y a aussi la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « La tudrikuhu l'absar wa huwa yudriku l'absar » Surat Al-An'am, donc la sourate. Surat Al-An'am, le verset 103. Surat Al-An'am, le verset 103. Allah, tabaraka wa ta'ala, qui dit, les regards ne peuvent le cerner. Et donc, le cerner, les regards ne peuvent le cerner. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, est-ce que nous pouvons, lorsqu'on voit la lune, est-ce qu'on cerne la lune? Ça veut dire voir la lune dans tout son ensemble. Non, toi tu vois le côté de la lune qui est en face de toi. Et tu ne peux pas voir toute la lune dans tout son ensemble comme cela. Et le soleil non plus. Et donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle nous dit que les regards ne peuvent le cerner. Les savants, lorsqu'ils répondent à Al-Mu'tazila, ils disent, ça c'est une preuve qu'on va le voir justement. C'est une preuve qu'on va le voir. Lorsqu'il nous dit qu'on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le cerner, mais par contre on peut le voir. De la même façon que des grandes créatures, on ne peut pas les cerner, mais on peut les voir. D'accord ? Et donc il y a une différence entre el-idra, le fait de cerner entièrement, et le fait de voir. D'accord ? Et donc ça, cette preuve citée par Al-Mu'tazila n'est pas acceptable. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Innakum sitarawna rabbakum »« Certes, vous verrez votre Seigneur »« Kama tarawna al-qamar » De la même façon que vous voyez la lune. « Laylata badr » Durant une nuit de pleine lune. La tudammuna fi ru'yati, et vous n'allez pas vous gêner mutuellement en cela, vous allez le voir sans que l'un ne puisse gêner l'autre. Et donc on verra, donc les croyants verront Allah tabaraka wa ta'ala. Masha'Allah. Ensuite l'auteur qui nous dit rahimahullah, et c'est de celui-ci qu'il a fait sortir Adam. Est-ce que j'ai marqué celle-ci? Celle-ci, hein. Et c'est de celle-ci qu'il a fait sortir Adam, son prophète, ainsi que sa descendance, en les faisant descendre vers la terre par la cause de ce qui devait arriver, dont il le savait avant même que cela n'arrive. Donc là, on est revenu sur quel sujet? On est revenu sur quel sujet qu'on a déjà vu? Le destin, barakallahu fik. On est revenu sur le sujet du destin. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala avait déjà écrit que Adam devait sortir du paradis avant même que cela n'arrive. Et que la sagesse en cela, barakallahu fikoum, c'est que la descendance de Adam, il soit éprouvé et que chacun mérite le paradis. Et ça aussi, c'est une preuve qui montre que le paradis existe déjà. C'est une preuve qui montre que le paradis existe déjà. Allah Azza wa Jal qui dit wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Et nous dit ô Adam, demeure toi et ton épouse dans le paradis. Et donc le paradis existe déjà. On devait voir la page 25 aussi, mais pour ne pas faire trop long, on va retarder ça. Ah, plus tard, Inch'Allah, Ta'ala, Waffaqallahu Jami'a, Lima Yuhibbuhu wa Arda, wa sallallahu wa sallam ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, Jazakumullahu khayran.